Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la station KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul. Radio sans frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Bonsoir, Carol. Bonsoir. Bonsoir, Dana. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Carol. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Dana. Et bonsoir, nos deux invités. Bonsoir. Alors, nous avons quelques invités que j'ai rencontrés hier soir. Drôle de rencontre. Dis-nous les circonstances, raconte. Dans le sauna, à la piscine, à Saint-Paul, j'ai entendu des gens qui parlaient en français. Et tout de suite, j'ai demandé, d'où êtes-vous venu et pourquoi vous êtes là? Qui êtes-vous? Et est-ce que vous voulez venir demain en parler de vos expériences ici? Mm-hmm. Alors, Maxime, oui, et Sophie, oui, merci d'être venus. Merci à vous de nous avoir invités. Bienvenue. Merci. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes venus à Minneapolis et Saint-Paul, uh-huh, et qu'est-ce que vous faites ici? Okay. Alors, je suis venu ici pour faire un stage dans l'enseignement, parce que je vais être professeur des écoles. Donc, j'ai eu une offre de stage pour une French Immersion School dans le Minnesota. Et du coup, je suis venu apprendre le métier ici. Donc, c'est quelle école? C'est quelle French Immersion School? Parce qu'il y en a plusieurs dans les, ouais, Twin Cities. Donc, là, on enseigne à l'Étoile du Nord, French Immersion School. OK. Ça se trouve où? À Saint-Paul. À Saint-Paul. Et Sophie? Oui, alors c'est pour la même raison. Je suis donc une interne à l'Étoile du Nord qui est à Saint-Paul. Et donc ça fait depuis août que je suis arrivée et que j'ai commencé donc dans cette école à enseigner. J'ai une classe de maternelle et une classe de première année. Et tout se passe bien, mmh, pour l'instant. Oui, c'est gentil, c'est sympa cet âge. Mmh. Les tout petits, non? Oui, c'est des tout petits, ils ont, ils ont entre 5 et 7 ans. Oh. Donc ils sont encore très mignons. Il faut dire aussi que c'est une école publique. Oui, ce n'est pas oui, une école privée. Une école publique totalement gratuite. Il y a combien d'enfants dans chaque classe environ? Une vingtaine. Une vingtaine. En première année, ils sont peut-être un peu plus, je dirais 25. Mais oui, après, au fil des années... Moi, en quatrième, j'en ai 21. Et en deuxième année, j'en ai 17. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, moyenne de 20. Mm. Et vous êtes d'où? Quel pays? Quelle ville? Alors, on vient de France. Moi, j'habite à Lyon, en France, dans le sud-est. Mm-hmm. Et moi, je viens de Lille, dans le nord de la France. Cool. Ah, de Lille? Mm-hmm. Lille, oui. Et ça vous manque? Ces derniers temps, un peu. Oui. Ouais. Là, ça commence à faire... Moi, je suis arrivé en septembre. Tout se passe super bien, mais là, ces derniers temps, un petit manque de la France et de la famille. Ouais, de la famille, de son chez-soi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on vit dans des familles d'accueil, donc... Ouais, c'est différent. C'est bien, ça apporte une bonne expérience au niveau de la culture américaine. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas notre propre chez nous. Oui, bon, il y a chez nous, puis je pense qu'il y a aussi le temps doit jouer un petit peu, enfin, comme l'hiver est un peu plus long, un peu plus froid, ouais. On a tendance à moins sortir, c'est, enfin, je pense que quand le printemps va revenir, ça va être un peu plus facile. Ouais. Et vos expériences comme itinéraire des gens qui vont pas être là pour toujours, comme vous restez pas très longtemps. Pouvez-vous nous décrire vos expériences avec l'élection présidentielle et vos pensées? Oh là là. les élections présidentielles. On a quand même assez suivi les élections présidentielles et c'est vrai que en ayant un regard extérieur. Depuis les élections, c'est vrai qu'on voit un petit peu le regard extérieur par rapport à celui qu'on a ici aux États-Unis et on voit un petit peu que, enfin, y a beaucoup de moqueries à l'extérieur des États-Unis, ben, même à l'intérieur, mais on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment d'accord avec eux. Avec ce qui se passe non plus. Mais... Oui, c'est ça. Moi non plus. Et même en tant que non-citoyen, c'est vrai qu'on essaye de s'impliquer dans ce qui se passe aussi, ouais. Les manifestations, etc. Cool. Vous êtes allé à la manifestation à Minneapolis ? Oui, moi j'y suis. Mardi soir ? Oui, j'y suis allée. Oh, je ne vous ai même pas eu. Ouais, j'y suis allée. C'est à la grande manifestation. Ah non, c'était pas à Minneapolis en fait, c'était à Saint-Paul. Oui, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une, celle où je suis allé, c'était un mardi soir, à côté du Federal Building downtown Minneapolis. Il y en avait une à Saint-Paul, il y a eu la marche des femmes juste après l'inauguration. Ouais, c'est celle-là que j'ai faite. Okay. Je suis allé aussi à un... Enfin, je suis tombée dedans, c'était je crois un mercredi. Ou c'était un... Ou peut-être c'était celle-là mardi... Mardi ou mercredi, où je suis tombée dedans à Minneapolis. Oh, il ouais, y a mais... des gens avec des panneaux. Ouais, il y avait beaucoup de panneaux. Ils ont des pancartes et écrits très fort. Et donc j'ai suivi un petit peu, mais je suis partie rapidement. Quand vous travaillez tous les deux dans l'éducation, aujourd'hui ils ont appointed le secrétaire de l'éducation. Oui, elle a gagné quand même. Et c'est une dame qui... soutient vraiment les écoles privées au lieu de public. Et qu'est-ce que vous pensez de cette situation et... Disons qu'elle va s'occuper de l'éducation, mais elle ne connaît pas vraiment tous les domaines de l'éducation. Elle s'est vraiment concentrée sur l'éducation privée et elle ne connaît pas vraiment l'éducation publique. Et l'éducation publique, c'est quand même une grande partie de l'éducation. Et oui. Nous, venant de France, on est plutôt... Enfin, disons, on est plutôt peut-être dans l'éducation publique, on est plus habitué à l'éducation publique. On se dit peut-être que l'éducation publique, c'est celle qui est la plus adaptée à tout public. Enfin, C'est ça, parce qu'il y a une plus grande variété de populations dans l'éducation publique. C'est celle qui est la plus accessible, finalement. Et se concentrer sur l'éducation privée, ce sera peut-être de se concentrer sur un certain public qui est déjà à la base favorisé. Et si on parlait un peu d'anglais pour nos amis américains qui ne parlent pas français. Après, de la musique, pourquoi pas, ou de la musique. Est-ce qu'on va passer de la musique avant? Oui, d'accord. Mm-hmm. Ok. Une chanson de Indochine. On y va. Thank you. choses à te dire et pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire et le meilleur me fait souffrir. Bass. M'envoler sans regret pour trouver enfin la voie de mon destin, essayer de briser mes chaînes, et je serai différent. Un éclat nouveau brille dans mes yeux. Le monde n'est pas trop celui qui le veut. Si tu as confiance en moi, je voudrais pour toi briser mes chaînes. Bonjour, vous écoutez Bonjour Minnesota, et on vient juste d'entendre, dans l'ordre, Indochine, J'ai demandé la lune, on ne sait toujours pas s'il l'a reçue, mais après ça il y a eu Christophe Willem, élu produit de l'année, je ne sais pas s'il parle de lui ou si c'est autre chose, je n'ai pas fait attention à la chanson. Peut-être qu'il est produit de l'année, on va demander à sa copine. Sofiane, après ça c'était Briser mes chaînes, donc c'était nos trois chansons pour ce soir. Et puis là, on va passer à une annonce. Et en anglais, c'était quoi ces titres? Oh, yeah, in English. I forgot about it. I know, everybody forgot about English suddenly. We heard Indochine, J'ai demandé la lune, which means like I ask for the moon. And yeah, we still don't know if he got it. Christophe Willem, the name of the song was... Elected the product of the year? Yeah, product of the year. Mm-hmm. Yeah, that was... Yeah. Whatever happened to the leader, the one that was involved in the murder of the... Oh, that's the lead singer of Noir Désir? Yeah, no, that was Noir Désir. Noir Désir. Yeah. Indochine hasn't killed anybody that we Nobody. Know of. Nobody, okay. We don't... They look... They Noir Désir, is he out of prison? I believe so. The lead singer not of anymore. Not Is You? Not anymore. He's not in prison no. anymore? Oh. It was ouais, a... Quand ans. Ils n'ont pas reformé un groupe qui s'appelle Détroit? Ça, je ne sais pas. Je okay. sais qu'il a refait des chansons en collaboration avec d'autres groupes, mais okay. je ne sais pas s'ils ont reformé un autre. Ok. Yeah. Yeah. Noir Désir was with Bertrand Cantat. Cantat. Ouais, Cantat. Ah, ok. Who had troubles. And the last song? And the last song was Sofiane, and it was Break My Chains. All right. We will be back to our interview of special guests right after these announcements. Advisory Committee will be conducting a programming survey of our members, listeners, and volunteers. If you are interested in participating, please visit kfai.org for a link to the online survey. You may also complete the survey in person at the KFAI studio office during regular weekday office hours. Thank you for your continued support and engagement with KFAI Community Radio. KFAI and the Cedar Cultural Center welcome the Pachanga Society with Dan Newton, Friday, February 10th at the Cedar Cultural Center. In the some 15 years of their existence, few if any bands in Minnesota have brought more culturally diverse, original and popular music with more guest musician collaborators to more people at more venues throughout the hinterlands of Greater Minnesota and Northern Wisconsin than the Stearns County Pachanga Society. Ticket information is available at thecedar.org. The Pachanga Society with Dan Newton, an all ages performance, Friday, February 10th, doors at 7, show at 8. Brought to you by KFAI. All right. De retour avec nos invités In de English. L'Étoile du Nord. We have two teaching interns from the North Star. Nobody says the North, the Star of the North, Star. French Immersion School from St. Paul. L'Étoile du Nord. Okay, so Maxime and Sophie. Mm-hmm. Yeah. Yes, thank you for coming. Thank you. Thank you. I think it's very funny the way you met, you two, you three. So, in English, how I met our special guests for this evening. I walked into the sauna at the swimming pool last night and I sat down and then suddenly I heard French and immediately had to introduce myself and then quickly told them that they could come to the radio show tomorrow night and be interviewed. So mm-hmm. And we were like, okay, yeah. Let's go. Let's do it. This is great. And so we'll have some more content in a couple months. Just before you leave, we'll have you guys back and some more interns to hear about the experiences. Mm-hmm. Mm-hmm. Tell us your names again and where you're from. Okay, so I'm Max. I come from France. I live in Lyon in the southeast in France. A city very famous for its delicious food. Yeah, it's a city of the gastronomy. Yes. So, yeah. Mm-hmm. And I am Sophie. I'm from Lille. It's in the north of France, and it's near Belgium, maybe. If you kind of wonder where it is exactly. So, but Sophie is doing really great hand gesture to kind of show us on the microphone where yeah. Lille is located. Yeah. But it's kind of so you can see yes. here. She's pointing really well. You can see she's going to be a teacher. Lille is not a very industrial blue collar city. It used to be, but now it's more a student's city. Yeah. We have a lot of students, and a lot of universities. 30, 40 years ago, it was really like there was a lot of factories, like a lot of car industries, maybe, mm-hmm. like yeah. Renault and Citroën. And yeah. Weren't there cloth, different fabrics made there in Lille? The broderie. Oh, the embroidery. Lace making. Mm-hmm. Like, yeah. And we had also in the north the coral. Yes. The charbon, mm-hmm. yeah. So that's what we had in the past. But now it's not really that anymore. Coal mining? Yeah. So there's like not coal mines anymore? Not really. We don't. It's not as big as it used to be, at least. Well, because you have nuclear power. Yeah. Mm-hmm. France. Great. And I'm doing a thumbs up. I don't. So what are some of the impressions that you have of American life that are so different than French life that you're used to in your daily routines? Here, everything gets huge. Yeah. Yeah, everything is bigger. The streets are bigger. The cars are bigger. Mm-hmm. The food portion are bigger. Yeah, really. The people are bigger. Here in Minnesota, I don't feel like people are bigger, but yeah, it's everything. That's a big problem here, I think. Yeah, but that's. I mean, the life is pretty much the same. Yeah, it's pretty the same. Like Western, yeah, Western countries have kind of. Over the weekend, I had the opportunity to. I had a business meeting with some business clients who are from Africa, and I realized that it was like Sunday at 12:30, and I totally forgot. You know, Sunday family dinner. And here I was, and so then suddenly I had to eat dinner with them, and then I was with the whole family. and then I was suddenly brought back to the tradition in France of family dinner and how dimanche, la repas de dimanche. Do you feel that that is... I know that when I was there maybe 10 years ago, like people were drinking pop soda from bottles. It was becoming very Americanized, or people weren't at the table as long. Do you feel that the repas de dimanche is still having its integrity in France? Well, not in my family. I mean, we were used to do that when I was a kid. We were going to my grandparents and we were having dinner all together, but we don't do that anymore. I mean, maybe it's only my family because we are older now, but I don't know about you, Max. We do this in my family. And yeah, it's like every Sunday, my other brother and me, we come in my parents' house and we do the dinner, family dinner on Sunday. Okay. Yeah. It's still in place. Just have to make sure. I don't think, I mean... Yeah, for me, it wasn't really big either, but I mean, Sunday wasn't that big, but one thing changed for my family a lot is that my mom started to work, like, at a bakery, like, on Sunday mornings. Oh. So that kind of, like, she was coming back home, like, later and not necessarily, you know, inclined to do, like, big meal or sit down or whatever. My dad was not really a cook. Okay. Or cooking, period. So it was not too big for me. Are there some items that you've come here that you didn't know of before, or is pretty much everything the same? I mean, Starbucks and I mean, it's kind of globalization. Seems like things are everywhere. Or are there new things you never discovered? There is some fast food that we don't have in France. Yeah. We have, of course, McDonald's and we have Starbucks, but not that much, I would say. I think it just here, the fast food, it's different. Because in France, fast food, it's just McDonald's, Burger King, something like that, you know. And here, there is some fast food like, I don't know, maybe Denny's or... There's a lot of choices. Yeah, it's... There's like Mexican fast food, there is Japanese fast food, American fast food, there is everything fast food. And yeah, when we want to go to the fast food in France, it's more American food. Yeah. We don't really have a lot of choices. Or you go to a restaurant and then you have like a real meal. I have been trying to make... I tried to convince my ex-husband that we needed to have a French fast food place. Interesting. And you get a cornet des escargots. Woohoo! Yeah. I don't know if it's going to be really. I think it's popular. It's a good idea. And some of us don't eat much fast food. Mm-hmm. I rarely eat fast food if I'm traveling and have to. But yeah, it depends. I prefer to have a regular meal. True.

jardin. À cultiver les fleurs, à cultiver les fleurs du bien. Brassez-moi. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Donc, on a entendu Pascal Obispo avec Les Fleurs du Bien. We heard Pascal Obispo with the good flowers, the flowers of the good. Is that how you would translate it? Mm-hmm. Les Fleurs du Bien? Oui, c'est justement, c'est l'opposé des fleurs du mal. Fleurs. Ouais, voilà. Wellness flowers. Wellness flowers. Flowers. Cool. Very good. What were you asking? Yeah, well, I have a couple of questions to ask these, our invité. So, Mac, you Max. Max. Oui. Ah, Maximilien, donc. Non, Maxime. Maxime. Oh, comme le restaurant, comme le... Oui, comme le restaurant, voilà, restaurant, c'est ça. Voilà, voilà. Maxime, c'est vrai. Et la question est aussi à vous et à Sophie. Qu'est-ce que vous faites en France quand vous êtes en France? Ici, vous êtes enseignant. Bah, en ce moment, pas grand-chose en France. Mais sinon, on est étudiant en France. Enfin, toi plus. Ouais, moi, j'ai eu mon master. J'ai fini mon master en France. Et l'année dernière, en faisant ma dernière année de master, justement, j'étais enseignante dans un lycée, enseignante de français. Et la maîtrise, c'était quoi? C'était en langue ou en français. En français. Professeur de littérature française. Oui. Ah bon. Mm-hmm. Et est-ce que vous avez enseigné à Lille aussi? Oui, à Lille, j'étais professeure. J'étais à la Madeleine, qui est juste à côté de Lille, c'est dans la banlieue lilloise. Mais ouais, c'était dans la région de Lille. Donc là c'est où, à Nice? Lille. Ah, à Lille. Au nord. Oh, oui. Oui, voilà. Tout au nord. c'est ça, chez les ch'tis. Chez les ch'tis. Mais oui, non, je ne voulais pas le mentionner, mais c'est vous qui l'avez. et puis, vous êtes de Lyon. Alors moi je suis à Lyon, c'est ça. J'ai étudié la psychologie à Reims, ah bon, en Champagne, donc à l'est de Paris. Et après je suis allé à Lyon étudier les sciences de l'éducation. Ah très bien, oui. Voilà. Donc Lyon est connu pour quoi? Lyon est connu pour sa gastronomie. Ah bon, mais ouais. Lot of good food in Lyon. C'est ça. C'est de Bordeaux, non? Oui. Et à Lille? C'est pas loin de Bordeaux. Non, c'est le Bordeaux, Bourgogne. C'est à l'ouest. Le Bourgogne, c'est pas loin de Lyon, non? Oui, c'est un peu... Ouais, c'est au nord. C'est au nord. Et à Lille, qu'est-ce que Lille est... C'est connu pour quoi? Pour les tisserands? Pour le froid. Il y a aussi de la nourriture lilloise qui est particulière avec... la gastronomie du Nord, les tartes au maroilles, ce genre de choses. Il y a aussi le fait que Lille soit un petit peu au milieu des trois capitales de l'Angleterre, de la Belgique et de la France. C'est vraiment au milieu. Donc c'est une belle capitale touristique finalement, même si c'est dans le Nord de la France et qu'il ne fait pas très beau. Mais c'est une très jolie ville et c'est une ville très étudiante aussi, très active. Très bien, mais vous êtes originaire de quelle ville ou de quelle partie de la France? Je suis originaire du Nord. Ah, du Nord, ok. Ouais. Pas de Lille même, je suis née à Lille, mais j'ai grandi dans la campagne, à une heure de Lille. Ah bon. Mm-hmm. Et Maxime, c'est... Moi, je suis originaire de Champagne. Oh, donc près de Reims. Évidemment. Mais quelle partie de la Champagne? De Reims. De Reims. Ouais. Propre, oui. Non, pas propre à Reims, mais c'est une petite ville. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Saint-Dizier. C'est à 1h30 de Reims. Oui, mais ils font du champagne aussi, quand même. Ils font du champagne aussi, du bon champagne. He's biased. Pardon? He's biased. Bon. Americans don't know. Well, probably French listener, anybody who listens to Bonjour Minnesota probably knows that champagne in France, if it's not from Champagne region, it's not French. It's not champagne. It's not champagne. No. It's bubbly come from wine. There. It's what do you call it? Du vin mousseux. Mousseux. Yeah. So in the country of France, if the wine that's bubbly is not from Champagne, it's not champagne. It's not cold and champagne. So all that champagne that's in America in a refrigerator is not champagne either. Yeah. And it did not come from the Champagne region. Yeah. Non, mais c'est la question, c'était que parce que en 1920, je sais pas quoi, 7 ou non, vers les années 29, il y avait la prohibition ici. Yeah. Et puis pour les conférences en Europe où ils parlaient de pays d'origine et des origines, ils n'ont pas invité les Américains. C'est pour ça? Oui, mais oui, parce qu'ils n'ont pas invité, parce qu'ils se disent, bon, mais ça c'est cousu, c'est fini, c'est ils vont jamais donc ils n'ont pas signé, ce traité-là. Ah, c'est pour ça? Mais oui, ils n'ont pas cette... Donc là, ils peuvent appeler n'importe quoi. Si tu le fais dans le peignoir, ils peuvent appeler ça champagne. Et comme vous sans doute vous l'avez vu, quoi, il y a... Sauf pour les succursales, les filiales françaises comme Mouette et Chandon, oui, ils font du Mouette et ils font du Chandon, mais eux, ils l'appellent en Californie, ils n'appellent pas Champagne. Donc. Oui, mais Champagne, ça reste une appellation. Ah oui. Si c'est fait en dehors de la Champagne, ils n'ont pas le droit. Non, exactement, mais les Américains n'étaient pas invités. Ils n'ont pas... Alors, ça n'existe pas. Et finalement, en 1932, révoqué cette loi, ou même ce n'était même pas une loi, c'était une... C'était un amendement à la Constitution. À la Constitution, oui. C'est que, oh. Quel, évidemment, dans ce cas-là, ils ont pu tout faire. Vers 20h40, on va avoir une discussion avec Nicolas Giraud qui va nous appeler pour parler des vins pour le Saint-Valentin. Ah. Alors, dans une heure. Ah. Oh, on a... Bon, c'est juste c'est un... C'est lui le sommelier. Oui. Le plus connu de la ville. Je ne sais plus où il est maintenant. Belcoeur. Spoonen Stable. Ils vont ouvrir un nouvel restaurant qui s'appelle Bonheur, je crois. Mm. Est-ce que vous allez beaucoup au restaurant ici? Quels sont vos restaurants préférés dans les villes jumelles? C'est vrai qu'on y va pas mal quand même. Ouais, moi je dirais le Bonfire qui est à Saint-Paul. Comment, là? Bonfire. Ah oui. Ouais, j'aime bien ce restaurant. Après, ça dépend ce qu'on veut comme nourriture. Ouais, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut essayer beaucoup de nourriture différente, de la nourriture indienne, de la nourriture japonaise, tout ça. Donc, Ouais, c'est ce qu'on disait plus tôt. Il y a beaucoup de choix pour la nourriture et c'est vrai qu'on peut, finalement, on peut trouver tout ce qu'on peut imaginer en nourriture. On peut manger de la nourriture... africaine, somalienne, et ça, c'est vrai qu'on a moins de choix en France pour faire ça. Ouais. Surtout dans des plus petites villes. Parce qu'ici, finalement, on n'est pas dans... Non, ça, c'est vrai. Mais quand on est arrivé ici en je ne sais pas, qu'est-ce que c'était, 68, il n'y avait que trois restaurants ethniques. Un chinois qui s'appelait Rice Bowl. Il y avait parce qu'il était aussi dans une c'était attaché à un bowling, donc c'était grand effort d'esprit, Rice Bowl. Et puis il y avait un Libanais, les cèdres de Libanon, de Liban, et puis un Mexicain, c'est tout. Mais Sofitel n'était pas là encore. Sofitel, c'était après, beaucoup. Dans les années 70, peut-être. Ouais. Non, c'était un peu plus tard, même plus tard. Oui. Ah bon. Et maintenant c'est vendu, c'est plus Sofitel. Mais ça existe encore en France, je pense, là, les Sofitel. Oui, ça existe encore. Mais ici, depuis 10 ans, 20 ans, ça a explosé. Il y a beaucoup de... Les gens sont plus intéressés avec la gastronomie. Comme oui, vraiment... puis il y a les émissions à la télévision. Oui, c'est pour ça. Comment il s'appelle le grand chef. Bourdain, Anthony Bourdain. Oui, là, mais l'autre qui est plus pratique. Ça, oui, elle a lancé. C'est elle qui l'a lancé. Elle était là depuis 64 ou 65, je ne sais pas. Elle a popularisé la cuisine française. Oui, c'est ça. Et Pépin, de là, Pépin. C'est Jacques Pépin. Pépin. Oui, là il est toujours des trucs. Vous il a pas des trucs. Jacques Pépin, c'est un trésor ici. Chef français. Oui. Il y avait les émissions sur le Food Channel, peut-être. Ah, je regarde pas la télévision. Non, à l'époque. Ah. Moi non plus. Je suis arrivé il y a 16 ans. Donc, mais même. Puis en plus, je cuisine pas. Mais Nicolas Giraud, il a Spoon and Stable. Maintenant, mais il était à Méritage. Avant, il était dans un restaurant à Méritage vers Downtown Saint-Paul. Oui, je vois où c'est. À côté du Landmark Center. Okay. Ça sonne un peu français, il y a de la nourriture française, mais Méritage, c'est vrai que... Finalement, c'est un restaurant américain avec de la nourriture française. Méritage, ouais, ça sonne un peu français, mais c'est pas français. Mais vous avez de la chance d'être du côté de sur Saint-Paul, d'être du côté de Grand Avenue, parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Enfin, par rapport à Saint-Paul, c'est un des endroits où il y a plus de choix en termes de restaurants. On va faire une petite annonce. Yep, and we'll be right back. It comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Saint-Augustin. Vous en parlez de quoi? Saint-Augustin, c'est quoi? C'est où? C'est quel restaurant? Sur Selby. Sur Selby? Oui. Selby quoi? Entre Selby et avant entre Fairview et Snelling. OK. Oui. OK. Très bien. On va passer de la musique, peut-être, pour parler de... C'est pour ça qu'on est ici, là. Non, pour en discuter. La échanger vie, nos expériences. Les manifs, l'éducation, voilà. On va passer de la musique pour le Black History Month. Cool. Alors, c'est une petite sélection de différentes chansons, parce que, comment dirais-je, l'idée, c'est que, évidemment, ici, en Amérique, il y a le Black History Month pour les Noirs américains, afro-américains, et aussi, on parle quelquefois des Africains qui sont venus ou des Noirs qui sont venus à Paris, parce qu'il y avait un climat artistique qui était beaucoup plus ouvert qu'ici, mais il y a quand même la France qui a eu un passé colonisateur et dans l'Afrique. Et donc il y a certaines chansons qu'on va jouer, surtout il y a une qui est très mouvante, mais je ne sais pas si on va commencer avec ça, mais tu décideras. C'est le Gorée, les enfants de Gorée. Et Gorée, c'est une île au large de Dakar, au Sénégal. Et c'était par là qu'il y a beaucoup d'esclaves qui étaient envoyés par au Brésil et en Amérique. Donc, peux commencer avec cette chanson. On y va. C'est Les Enfants de Gorée de Chris Combat. Africa, Africa, Africa, Africa. Bewe ki la li Pa ganyen men koule ki dot kote A sou li le gove Zot be senti prezans Di nou gangan Nou sa ye descendans Banga veye kote djembo Banga veye kote djembo Banga veye kote djembo oh, oh, oh. Banga veye kote djembo Bati, ye soufri, en an bato se kolon ya. Ye bati, ye kamande pou sa, ye soufri. Bati, soufri, bati. Banga veye kote tchembo. Banga veye kote tchembo. Banga veye kote tchembo. Yè te mette tout près. Pare pou pati wap balan mè. Yè tire liberté. Enchaîne se mounyan. Condamné yè à l'esclavage. Alors panga veye kote tchèbo. Panga veye kote tchèbo. Panga veye kote tchèbo. Panga veye kote tchèbo. Yè pati. Yè soufri. Pendant bateau se kolon ya. Yè pati. Yè kamande pou sa. Yè soufri. Pati, soufri, pati. Panga veye kote tchèbo. Panga veye kote tchèbo. Panga veye kote tchèbo. Panga veye kote tchèbo. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota à la station KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul et Radio Sans Frontières. Et ce soir, nous avons deux invités, Max et Sophie, qui sont des enseignants qui sont à l'école publique, s'il vous plaît, à Saint-Paul, qui s'appelle l'Étoile du Nord. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, radio without boundaries. The program you hear is Bonjour Minnesota, and we were fortunate to have two guests, Max and Sophie, who are teaching at the Étoile du Nord Immersion School in St. Paul. And it was just happenstance that I ran into you in the sauna, and I was just thinking that I should have contacted the principal, Fatima Lantumi, to be a guest, because the application deadline, if you would like to have a kid go to the school, you have to have it, you have to have your child signed up by next week on the 16th. So she might be busy. Yeah, she might be busy right now, but I didn't contact her, and I was, you know, thinking, gosh, it's too bad I didn't contact her, and then I just run into you guys, just like that, 5 minutes later. That was perfect. Yeah. Yeah. And I just, so anybody who is interested in French immersion or putting, or getting your, any child in French school, they can do so for next year by filing the papers, except for the Edina school system required papers be in by January 16th for non-resident French school. But as we were talking about, was it last night in the sauna, we were talking about La Petite Academy, many other French private schools that are available, and I don't think they have the same deadline like the public school has of such demand. We're not sure about that, but at least the public school is for free, so right. Go to the public school. Yeah. It's as cool. I had a great experience with it, so. The children speak French in everything, don't they? Yeah, they do. We do they resist? Are they worried or hard, find it difficult? Well, maybe at the beginning it can be hard, but as they are really, really little, they understand, and that's easier for them as they are really, really young. The littlest ones, it is easy. It's better to start really early. And how old are your students, Max? I'm working with fourth grade and second grade, and I can see the difference between fourth and second. The difference in the French, because in fourth grade students talk in French between us. We haven't to ask us to speak French sometimes. Mm-hmm. They speak French just like that. It's normal now, and it in second grade it's a little more difficult, but it's okay. Yeah. I think it's a good program in Little Dinar. Oh, it's the best age. If you catch them young, their accents are wonderful. And that's it's really so easier, cute so much when easier they start for them. To speak in French to us, and they have their accent that's melting my heart. They're really cute. Yeah. And yeah, they have the chance to have us as intern. We are native speakers, so that's a great opportunity for them to learn French in this school. That's wonderful. Yeah, I think that's a great program. Because of course they have teachers. They are American and they speak really good French. But having a French native speaker is even more interesting for them, because they can hear us with our accent and the way we speak really in French. So sometimes... And all the latest... for some reason, I was thinking about Verlan. Yeah. Can you bring the latest slang to America? So what is the latest slang? le Verlan, les mots, les phrases utilisées, les expressions. Est-ce qu'il y a des expressions? Utilisé par les enfants, là? Non, en général, en français. Comme il y a... On disait, oh, c'est très space. À l'époque, on disait, ouais, c'est très space. Space. Ou c'est chelou. Ouais, chelou. Chelou, qui veut dire louche. En verlan, chelou. Chelou. Il y a des mots comme ouf, ça. Ouf, qui veut dire c'est fou. C'est quoi. Fou. C'est ouf. C'est pas, souvent, c'est en au négatif, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça. C'est pas ouf pour dire c'est pas terrible, c'est pas vraiment... C'est bof. Comme ci, comme ça. Après, c'est quand même... Bah, c'est plus les jeunes, quand même, qui parlent le verlan. Le verlan. Donc, des fois, je les entends parler, je comprends pas. Ouais, mais... maintenant, déjà, ça y est, nous, on est... Oui. on est trop vieux. Ouais, on n'est plus à la mode. Voilà. Do you find that most of the families are French-speaking, or some of the families are still not French-speaking? No, most of the families are not speaking French. Yeah. Mm-hmm. Well, that's good for you, right? Yeah. Yes. So we can, we can speak improve. English. Yeah, we can improve our English. Even though that's kind of hard when we speak French every day, all day long, it can be hard for us to improve our English. But yeah, we try. We try our best. Has your English grown since you came here? Mine has not, because I was already studying in North Carolina before I came here, so my English was kind of good. I could speak, but I know not Max. Mine. My English was terrible, and it's not very well, actually. But, I can... Yeah, understand, at least. Yeah, I can understand now. It's better. But I have some... yeah, difficulties to speak. Yeah, speaking is always the hardest. Yeah. So when you were learning English in France, it was British English mostly? Yeah, it's British English. And there's a slight difference. Yeah, it's a difference, and we don't learn to speak English. Yeah, yeah. Well, we learn to read and to read write. Read and write, yeah. In English. That's mostly what we focus on, reading and writing. And communication is not as good in the classroom as it is here. That's what I thought when I first arrived, and when I was a student in the university. I was in Western Carolina University, and I noticed that the students were more willing to participate in class and communicate with the teacher, even with the teacher. That's not the same relationship that we have in France. We are more likely to communicate and say what we think. And I think it's a little bit more formal in France. Yeah, yeah, that's more formal, and we are more shy. We are not as used to speak in front of a public, and that's not the same way of teaching. That's what I felt, but maybe that's only me. Interesting. Do we have some announcements from? Oh yes, what's going on around town? French things. Many. Let's hear about them. A rapper, Frédéric tells me he's a Canadian rapper named Webster, is coming here March 23rd. He's French-Canadian. French. With a name like Webster. Yeah. He will be at the Cedar Cultural Center on March 23rd. Doors open at 7 p.m., show at 7:30. You can get tickets available at noon online. Through the Alliance Française members will get a special reduction. Contact the Alliance for that reduction. There's also someone, well, would you like to discover a bit about French brandy? Well, who wouldn't? Who wouldn't, yes. Wednesday, February 8th, that's tomorrow, from 6 to 7:30, Where is that? That's at FAMFAS at the Mall of America. Oh. That means in the barrel, doesn't it? FAMFAS? FAMFAS, yeah. Uh-huh. From barrel. So these are from brandies from Cognac, Armagnac, and Calvados for the apple one. Learn about the regions and the processes that go into it. Oh, there's only 3 more places left, but maybe you can squeeze in. You need to have an RSVP, so call the Alliance about that. Web conference, Denis Laferrière, Monday, February 13th, from 6:30 to 8 p.m. Author and Académie Française member Denis Laferrière will speak about le rôle de la langue et de la littérature française. Interviewed by McAllister Joël Vitiello, it will be not to miss. Held exclusively in French without translation. Joe Amato will be here speaking at the Alliance Française on Friday, February 24th, from 6 to 8 p.m. He's an author, and he will show from his personal experiences his 3 routes to becoming French. This presentation is in partnership with the French American Heritage Foundation of Minnesota, presented in English. All this month, it's Le Mois de la Francophonie, a celebration of Senegal throughout the month of March. So all kinds of things going on at the Alliance. Opening ceremony, excuse this pronunciation, Nadage et Teranga will take place on Saturday, March 4th from 6 to 8 at the Kids Center at Hamline University, K. Frederick's Room, 3rd floor, 744 Snelling Avenue in St. Paul. Wine tasting. Coming up, it will be an overview of the upcoming trip to Bordeaux and Tours that will take place on Monday, February 13th from 5 to 6 p.m. Enjoy the wine tasting with Bordeaux winemaker Pierre-Charles Dartier. and learn about the upcoming trip to Tours and Bordeaux. That's the trip will be May 12th through the 22nd of this year. Many workshops and opportunities to take classes. Probably check them all out yourself. For example, are you interested in Minnesota's French-Canadian roots? They are certainly there. You will just notice it by the streets in Minnesota, all throughout, especially in Minneapolis, by Le Père Hennepin and early explorers of the region in the 17th century. 5-week classes at the Alliance, advanced beginner, and another one called Le Château de la Loire are coming up. 5-week classes in St. Paul about Colette, beginner, and also about beginner conversation. Let's see if we can, there's things for your kids and for teenagers too, for the winter section. Les jeunes, especially, are high schoolers who meet on afternoons for games and goûter. Saturday, February 25th, from 4:30 to 6:30. And that's it for announcements. Did you go to the karaoke? One more. The big fête, la gala, will be called La Nouvelle Orléans. It's going to be based on the city that the Americans call the Big Easy. It's at the Alliance. It's a gala benefit. We'll feature live music by the Jack Brass Band, Maîtresse de Cérémonie, Cindy Brucato, who is a longtime well-known TV anchorwoman. Yeah. Yes. I know at one time she was in the Twin Cities and also up in Duluth. Auctioneer Kurt Johnson, as well as Palm Readings. Ooh. Live and silent auctions. Okay. It will be held at the Metropolitan Ballroom, 5418 Wayzata Boulevard. Virginie Donzo and Nicolas Giraud will be event co-chairs. Awesome. Oh, he's our wine sommelier. Yep, we get to talk to him in just a and half an hour. And that's going to be... Save the State, May 3rd, fundraiser for the Alliance. Très bien. Let's see if I can play this song, Les Enfants de Gorée. I think that I've found it now. Que tu sois de Guyane, de Guadeloupe ou de Martinique, les bâtonnets grillés qui sont partis des côtes d'Afrique ont déporté en Amérique ou jeté dans l'Atlantique les mêmes racines de ton histoire tragique. Embarqué du Congo, de Guinée ou du Sénégal, du Ghana, du Bénin et d'autres terres du littoral, ces hommes et femmes à fond de cale arrachés à leur terre natale sont les toutes premières pages de ton journal. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme, voit des peines que l'on enchaîne. Oui. À la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines. Oui. Je laisse aller ma peine et comme sur un requiem, je chante sans haine. On vient de Gorée aussi. On vient de Gorée. Quand on est enfant d'ici. Enfant d'ici. Si je suis d'ici, je suis. Je suis. Enfant de Gorée aussi. Laissant les ports du Havre, de Nantes, La Rochelle ou Bordeaux, ces navires pleins de pacotilles dessinent sur les flots. Entre comptoirs et monde nouveau, chargés d'esclaves ou d'indigo, le grand triangle de leur Eldorado.

I am Abdulrazak Bihi. This week on the Somali radio program that speaks with funny English, my guest is Jay Persk, who's a great friend of the Somali community. Yeah, one of my Muslim friends actually brought this up, and I just love it. He says, we need to focus on the things that we have in common instead of the things that we disagree on. We'll talk about Jay's program called Sha Yo Sheko, which means tea and chat. Listen to this on this Friday at 1 p.m. right here on Fresh Air Community Radio. Are you changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, or motorcycle. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. What we just heard was Africa by Abavuki, and we are celebrating Black History Month. And as you were saying, we had that Les Enfants de Gorée chanson. Yes, and so basically, I mean, we have to recognize the black, or the Africans, who were under French or under French domination, but not during a certain time. I mean, after anywhere from mid 18th century till 1960 or so, when most of them became free. But France had a swath of countries going from east, from west to east, that Senegal, Mali, Niger, and Chad. And then the main idea was to cut the pathway from Egypt for the British, from Egypt to South America, to South Africa. Uh-huh. And that were the big battles in Khartoum and others, mm-hmm. which the British won. So the French domination stopped at Chad. But then it goes further into Guinea-Bissau, and Ghana, and others, Cameroon. And we will have some songs, not necessarily right now, but we'll have songs from these different former colonies. But today what we have concentrated on were some songs about Africa and the history of slave trade in a song called Les Enfants de Guinée, de Gorée, the Children of Gorée. And basically Gorée is an island that's off Dakar. And in this island there's a famous, or rather infamous, large mansion that had in its basement had holding pens for thousands of slaves, who then were carried through an opening that went directly to the ships, and loaded into ships and went to Brazil or the Caribbean. Mm. But Gorée was not necessarily the largest port of embarkment, but it was at least, it's one of the more famous ones. Others were in Cherbourg and in part of the northern French cities, and then obviously the English ports. And they had this scheme that you were organizing your trips in such a way that you took as many slaves as you could over, and then you had some other merchandise that you brought back, or whatever, food and stuff, like fruits, mm-hmm. you brought back. So these trips were called triangular trips, because you went down and then brought the slaves. Some of the depictions of how these slaves were treated are just unbelievable. There are pictures of how they were arranged in these slavers, in these boats, mm-hmm. in these vessels. And first you see this, you see a outline of a ship, and you think this is a pattern. But no, it's slaves one next to the other, almost no room. And they tried to pack in as many as possible, and then sell them. From Gorée, much of it went to southern South America. And one of the songs says, from Gorée to Guyana. And Guyana, of course, this is still French Guiana, right? Mm-hmm. Okay. Right. Okay. I think what gets people very frustrated now is we think that that is so much, like that was a long time ago. But as you're talking about it, it doesn't, it reminds me of Mexicans crossing the border to get to America when you have those rental U-Haul or Hertz trucks filled with mm-hmm. Mexicans that they can barely breathe, or people that are going through borders and European to be able to get through from Eastern Europe for a promise of a better life. And even in like remote regions of like Southern Europe, people are trying to get through to get to that better life. And so they, while in the slave period, they were taken, you know, taken as a commodity to be bought and sold. People, human trafficking is still happening. And I think with our ultra capitalistic future that we're going to be moving into, I think we really have to think about like humanity and human rights with. Exactly. And the French actually abolished slavery fairly early after mm-hmm. the revolution, because they had the la déclaration du droit de l'homme. Mm-hmm. Yeah, and so they're still in there, but they still shipped them. I mean, that's what was outside of the métropole. So, but, and the thing is this, yes, I mean, but these poor people were not going to find a better life. I mean, they were shipped to something worse. Right. And the thing is this, that you said, yes, people will think, well, this is so long ago. Mm-hmm. What does it concern us? It does concern everyone, because if you don't face your past, then you will never get out of it. You will never go ahead. And the same thing is with Native Americans. I mean, with Indians. If you don't acknowledge what's happened, and then it's useless. You'll continue. The one people who actually did get over this were the South Africans, with the abolishment of apartheid. And not only that, not that they abolished it in this halfway. It was a fairly organized and nonviolent transition. But after that, they had these councils of reconciliation in which the victims and the perpetrators were face to face, and somehow or other this it worked, so that it's not a festering sore in the South African body of politics. And in countries like Germany is trying to face its past with the Jewish people. Mm-hmm. And trying to get over it and acknowledge it, that this happened, whereas many other countries don't really get into this, and it has to be done in order to be able to go forward. Let's play another song. This one, I believe, is called "T'es Fatigué" by Manuel Wanji. Qu'est-ce que tu as? T'es fatigué. Si tu veux bouger, faut te réveiller. Qu'est-ce que tu as? Oh, t'es fatigué. Si tu veux bouger, faut te réveiller. Allons-y. Ah.

Donc après neuf années passées à Saint-Paul, j'ai décidé de prendre une autre direction et je suis maintenant d'abord à Spoon and Stable dans le centre de Minneapolis, dans le North Loop. Et avec Gavin Kayson, nous allons ouvrir un restaurant français à Wayzata qui va ouvrir d'ici 6 semaines et qui va s'appeler Bellecour, du nom de la place Bellecour de Lyon. Très bien. Et c'est dans l'ancien endroit de Blue Point, n'est-ce pas? C'est ça. Donc il y avait Blue Point qui était dans cet endroit-là pendant une trentaine d'années. Avant ça, il y a eu Mouffletta qui était pendant juste un très bref moment avant qu'il déménage le restaurant. Et avant ça, il y avait un restaurant français qui s'appelait Chouette, qui était donc dans cette même adresse, qui était à l'époque, ça a ouvert dans les années 79, je crois. Ah, et puis Bellecour, ça va être traditionnel français ou expérimental? Ah oui, tout à fait. Ça va être vraiment une brasserie typique comme on trouverait à Lyon, avec vraiment des plats classiques du répertoire français, avec une liste des vins très française aussi. Et vraiment un petit coin de France sur le lac Minnetonka. Très bien, ça va être superbe en été aussi, j'imagine. Alors, pour nos auditeurs, je voulais vraiment parler des vins pour le Saint-Valentin et les choix de vins que tu aimes à ce moment. Alors, en ce moment, et c'est d'ailleurs très, ça tombe très bien, puisque finalement, comme le restaurant est vraiment tourné autour de la ville de Lyon, qui est la capitale culinaire mondiale. La région du Beaujolais est juste à côté, et donc on va avoir beaucoup de vins du Beaujolais. Et dans le Beaujolais, il y a un des crus qui s'appelle le Saint-Amour. Et donc Saint-Amour, c'est mon vin préféré pour la Saint-Valentin. donc c'est un vin frais, un peu fruité, qui se boit. Généralement, j'aime bien le mettre au frigo pendant une vingtaine de minutes avant de le servir. Juste avec le nom Saint-Amour pour la Saint-Valentin, je pense que vous pouvez pas vous tromper. D'accord. Et si on n'aime pas le vin rouge? Ah, alors si on n'aime pas le vin rouge, il faut penser au champagne. Choix. Hein, champagne, bien sûr. Le champagne, ça reste le vin idéal pour les célébrations. C'est un vin aussi qui se marie très très bien avec toutes sortes de nourriture. Hein. Si vous mangez du poisson ou de la viande, le champagne, ça fera l'affaire. Il y a un domaine en Californie qui s'appelle Terra Valentine, dont les propriétaires étaient des gens de Minneapolis. Ils ont vendu récemment, mais Terra Valentine, c'est parfait pour la Saint-Valentin. On a dit le champagne, bien sûr. Et puis après, moi, j'aime beaucoup les vins de la Bourgogne. Hein. Je suis né en Bourgogne, donc le chardonnay, c'est dans mon sang. Et ma femme aime beaucoup le chardonnay. Donc, on boira du chardonnay pour la Saint-Valentin. Très bien. Alors, est-ce que Karyl, Olaf, avez-vous des questions pour Nicolas, pour le vin? Ou on est bien? Bon. Moi, pas tellement pour le vin. Ici, Olaf et Nicolas, ça fait quelques années qu'on vous a eu ici au studio pour une interview. C'était très intéressant. C'était autant quand vous étiez encore avec Méritage. Mais moi, j'ai une question totalement différente. Elle n'a rien à faire avec la restauration ici dans les villes jumelles. La question, c'est où en sommes-nous avec la cuisine française? Il y a eu dernièrement un grand concours de chefs mondial, je crois qu'à Lyon. Des Bocuse d'or. C'était le prix Bocuse, oui. Mm-hmm. Bocuse. Oui, j'y étais. Et puis, les Américains ont eu le premier prix, les Norvégiens le deuxième, les Islandais, la médaille de bronze. Et puis, il y a encore un pays au nom de coucher dehors, mais après ça, le cinquième, c'était la France. Mais où, où en sommes-nous? Alors, moi, je pense que c'est, bon, c'est des critères. Les juges sont de chaque nationalité. Donc, chaque pays participant a un juge qui va juger tous les plats de tous les chefs. Alors, pour le coup, le chef français qui s'appelle Laurent Lemal était très bien préparé. Il a vraiment mis ça à cœur. Il a pris la cinquième place. Il a quand même gagné. Son plat végétarien a été choisi comme étant le meilleur. Oui, ça. Et puis c'est une compétition qui est très difficile. Et je pense franchement que les États-Unis ont gagné parce qu'ils ont vraiment investi dans ce projet. Quand on sait que les chefs qui ont entraîné Matthew Peters, qui a gagné donc la médaille d'or, les coachs qu'il avait avec lui, c'était quand même d'abord Philippe Tessier qui travaille à Percé. Ensuite, il avait quand même Thomas Keller avec lui, Daniel Boulu, Gavin Kaysen. Enfin, l'investissement de ces chefs-là était quand même extraordinaire et ça a permis de ramener la médaille d'or. Bon, mais ça c'est presque comme la Tour de France. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas, c'est pas comme si on avait eu Alain Ducasse, Joël Robuchon et Paul Bocuse qui coachait le chef français. Bah, peut-être que ça aurait été différencié, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, je sais que l'investissement de l'équipe américaine a été très, très important et ça a payé. Oui, bon, mais non, je me casse pas, je me fais pas du mauvais sang là-dessus. J'irai quand même manger dans les restaurants français. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est sûr que je pense que c'était au niveau de la compétition. Les Américains ont été très compétitifs, en fait. Ah, et oui. Je pense que l'Islande, quand j'étais là-bas, les supporters islandais, les supporters australiens et les supporters américains, mais on les comptait, il y en avait une quarantaine, une cinquantaine qui étaient là, encouragés. Les gens étaient investis. Et j'ai pas vu autant de Français qui soutenaient l'équipe. <quoi. rire> Donc vous étiez Moi j'étais à Lyon pour les Bocuse d'Or, oui. Oh bon. C'est génial. Bon, c'était super, hein, c'était vraiment super. Well, je veux te remercier d'avoir appelé et nous donner des conseils pour le Savannah-Latin et dans l'année qui vient après l'ouverture du restaurant, je t'invite. Tu vas retourner à Bonjour Minnesota et nous parler encore des vins. Oui, avec plaisir. Là, en ce moment, on est un petit peu charrette, comme on dit en France. On a beaucoup de choses à faire. On est à 3 semaines où on va commencer vraiment l'entraînement des serveurs, etc. Donc, il y a quand même énormément de choses à planifier. Mais une fois qu'on est dans le mois d'avril. Mois de mai, avec grand plaisir, je viendrai revoir Olaf, j'amènerai une bouteille de vin au studio et puis on boira des coups, on écoutera de la musique. Oui, oui, oui. Mais, c'est interdit au studio, non, Nico. Non, il faut l'amener dans un sac brun. Papier. Oui, oui, oui, parce que ici c'est affiché à la porte. Pas d'alcool. Pas d'alcool, pas de fumée. Et qu'est-ce qu'il y avait? Pas d'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la vie après? Non. Ça ira. On va bien fêter l'ouverture dans quelques mois. Je te remercie et très bientôt, Nico. À bientôt, Dana. Au revoir, Olaf. À très bientôt. Oui, allez, au revoir. March 8, KFAI celebrates International Women's Day with a full broadcast day by, for and about women. This year's theme is Be Bold for Change, and we are inviting women from the community to celebrate with us. Apply today to host a program. A link for an application and more information can be found on the homepage at kfai.org. We'll be right back.

et vous avez vraiment l'air pas contente. Et on vient juste d'entendre Davy Sicard, Au nom de mes pères. Et après ça, on va écouter Stromae avec Papa Outé. So we just heard Très fatigué by Wadji, and which he said, clearly it's from the song, it's clear. He starts yawning and it goes through all the way. The other one, Gam, is more pas content. He's really not up to it. He's not happy. And then David Sicard from Réunion, au nom de mes pères, in the name of my fathers. And it was kind of a parody of the Marseillaise. It was in there. Oui, il y avait un petit morceau, un couplet, un petit peu de la Marseillaise. Oui. Well, we're running out of time. We just want to thank our special guests for joining us tonight, Maxime and Sophie from Merci, Max et Sophie. L'Etoile du Nord, French Immersion. Merci à vous pour votre invitation. And we want to remind you to visit the Facebook page and send any dedications for Valentine's Day. And next week we'll have our special Valentine's show. So we invite you to listen. And merci et à la semaine prochaine. Yeah, and be sure to sign up if you have a dedication to be done through us. Mm-hmm. We will be glad to do this. But you have to do what? Either sign call up the studio line next week while the music is playing, or send us a note on Facebook. Bonjour, Minnesota. Thank you. À la semaine prochaine. Bonjour tout le monde. Oui. Wow. Et merci d'être venu. On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestés?